إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va faire aujourd'hui un cours au sujet des preuves de la division du tawhid en trois catégories. Un cours sur l'explication ou les preuves qui expliquent la division du tawhid en trois catégories. Et c'est un mukhtasar, en arabe le titre c'est al-mukhtasar al-mufid fi bayani dala'ili aqsam al-tawhid. C'est écrit par le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr. Et habituellement, qu'est-ce que je fais? Je lis le texte en arabe, puis je fais la traduction après. Mais depuis quelque temps, j'ai réalisé que dans les séminaires, lorsqu'on faisait un séminaire, c'était plus bénéfique de faire la traduction simultanée directement à partir du livre en arabe pour économiser du temps, puis en fait pour faire en sorte que les sujets puissent être plus bénéfiques pour les frères qui viennent assister au séminaire, parce que la différence entre les durus ordinaires puis les séminaires, c'est que dans les séminaires le temps est plus limité, tandis que dans les durus qu'on fait de façon régulière chaque semaine, on a beaucoup de temps, on n'a pas de limite de temps, donc on peut prendre son temps puis lire le texte en arabe directement. Et donc c'est comme je vous dis, un livre comme ça en temps normal, ça prendrait peut-être 3 cours pour le finir, tandis que si on le lit directement en français, on peut essayer de le finir en un seul cours si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet. Donc on va faire ça de cette façon là inshallah. Puis c'est un livre, comme je disais, qui est un résumé d'un livre que Cheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad a écrit. Et le livre, à l'origine, il est beaucoup plus gros que celui-là. Il y a plein d'explications puis de clarifications. C'était écrit à la base pour réfuter la parole d'un des hérétiques, un des égarés de notre époque. Je pense qu'il s'appelle As-Saqqaf. C'est un Jahmi. Un égaré qui nie les noms et les attributs d'Allah et qui se permet d'adorer les morts et qui prétend que ça fait partie de l'islam et qui critique le fait qu'on divise le tawhid en 3 catégories et qui essaie de comparer ça à la trinité des chrétiens et qui prétend que c'est une innovation, quelque chose qui a été inventé par Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et donc le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mentionné les preuves du Coran qui montrent que le tawhid divisé en 3 catégories, il est tiré directement des textes, de la lecture des textes directement. C'est pas une convention qui a été décidée par des savants après, à une époque plus tardive de l'islam. C'est pas quelque chose qui a été décidé par un vote ou par un nombre de personnes, c'est qu'est-ce qu'on comprend directement en faisant la lecture des textes directement tel quel. Et donc, c'est pas non plus une ijtihad des ulama, des choses de ce genre, non. C'est qu'est-ce qui est dans le Coran et qu'est-ce qu'on retrouve directement dans les textes, qu'il n'y a pas d'autres catégories que ces trois catégories-là. Et en ce qui concerne la division du tawhid, il y en a qui ont essayé d'en rajouter, il y en a qui ont essayé d'en enlever. Parce que toutes les sectes, tous les groupes de bid'a qui sont apparus à travers l'histoire, eh bien, étant donné que leur division, leur égarement et leur déviation en général commencent toujours par le tawhid, eh bien, on remarque que les erreurs qu'ils ont, eh bien, c'est toujours au niveau du tawhid. Et pour vous donner des exemples, par exemple, les Mu'tazila, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiya, ces gens-là, pour eux, il n'y a qu'une seule, une seule catégorie de tawhid pour eux, c'est tawhid al-Rububiyya. Les autres catégories, tawhid al-Ibada et tawhid al-Asma al-Sifat, pour eux, ça n'existe pas. Simplement parce qu'ils nient les attributs. Donc, il n'y a pas d'Asma al-Sifat. Et pour eux, l'objectif fondamental du tawhid, c'est d'établir qu'il y a un créateur et qu'il est unique. Donc, ça se limite à tawhid al-Rububiyya. Et ils considèrent que le fait de prendre des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration, de se rapprocher d'Allah par l'intermédiaire des tombeaux et des saints, ils disent que ça, c'est pas du shirk. Puisque du moment que tu reconnais que Allah est le seul maître et créateur, donc tu es un musulman, tu es un croyant, tu es un muwahhid, tu as établi le tawhid. Même si tu vas prendre des intermédiaires avec Allah dans l'adoration, ça c'est pas grave. Pour eux, c'est pas shirk. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il va mentionner les preuves qui montrent que cette notion-là ou cette compréhension du tawhid est totalement fausse. Chez certaines catégories aussi des gens de bid'a, comme les khawarij, les takfiriyin, on trouve qu'eux, ils ont rajouté des catégories dans le tawhid qui n'en font pas partie. Comme, par exemple, tawhid al-hakimiyya. Ils ont rajouté cette catégorie-là dans le tawhid pour pouvoir se concentrer sur cet aspect-là par rapport à qu'est-ce qu'il représente sur le plan politique, du fait que ça leur permet justement de faire le takfir des dirigeants dans les pays musulmans. Ils essaient d'utiliser ça comme argument, comme les premiers des khawarij qui sont sortis contre les sahaba, puis après ils utilisent les versets qui parlent de yani du fait que le jugement appartient uniquement à Allah pour justifier leur takfir, puis pour justifier par la suite les révoltes, les coups d'État et les manifestations et les attentats terroristes et toutes les autres choses qu'ils font par la suite au nom de l'islam. Donc c'est à partir de cette déviation-là qu'ils commencent à faire ça. Et les ulama ont expliqué que Al-Hakimiyya, ce n'est pas une catégorie séparée du tawhid. Et d'en faire une catégorie séparée, c'est une bid'ah. C'est une innovation. Hein? Et ils ont clarifié des choses à ce sujet-là. Chez les soufis, ils ont inventé une autre catégorie de tawhid, ou plutôt que leur notion à eux du tawhid, comme par exemple les gens qui croient en Wahdatul Wujud et en Al-Hulul, mais pour eux le tawhid c'est ça. C'est-à-dire, pour eux le tawhid c'est de dire que yani, tout est Allah. Et Allah est tout. Et donc, du moment que tu dis que Allah est tout, et que tout est Allah, donc il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, donc, c'est ça l'unité, le fait qu'il y ait une seule chose qui existe. Le créateur et la créature, c'est une seule et même chose, et tout est Dieu, donc il n'y a qu'une existence, et c'est l'existence d'Allah. Et la création et la créature sont confondues. On ne peut pas les distinguer. Hein? Et ça, bien entendu, c'est kufr. Et ils considèrent que toute personne qui fait une distinction entre le créateur et la créature, c'est un mushrik. Ils disent que c'est un mushrik parce que il dit qu'il y a plus qu'une seule chose qui existe, c'est-à-dire il y a un créateur et une créature, donc ça veut dire qu'il y a deux choses qui existent pour eux, et donc ça veut dire que c'est pas une unité. Et donc c'est, pour eux, c'est du shirk. Et ils disent que les gens qui adorent des idoles et qui se prosternent devant des idoles, ils sont seulement des mushrikines s'ils considèrent que ces idoles-là sont autre chose que Allah. Toutefois, si ils se prosternent devant ces idoles-là en disant que c'est Allah qui est en ces idoles, dans ce cas-là, ce n'est pas des mouchriquins. Hein? Et ça, c'est la aqida d'Ibn Arabi et de ceux qui l'ont suivi parmi ces égarés-là. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'ils font, en fait? C'est comme les gens qui croient en l'hindouisme et en le bouddhisme. C'est une forme de panthéisme, c'est-à-dire de croire que tout est Dieu, Dieu est tout. Donc, quand ils se prosternent à l'idole, ils te disent, non, je ne me prosterne pas à l'idole, mais je me prosterne en Dieu qui est présent en cette idole. Hein? Et la même chose quand ils se prosternent devant les différents dieux qu'ils ont inventés, ou les animaux, ou les arbres, ou les pierres, ou les roches. Ils disent, je ne me prosterne pas devant ces choses-là, je me prosterne devant Dieu qui est présent dans ces choses-là. Et la même chose chez les chrétiens aussi. Tu les retrouves en train de se prosterner devant des croix de Jésus, des images de Jésus ou des choses comme ça. Et puis ils te disent, non, mais je ne prie pas au corps de Jésus. Je prie en Dieu qui est à l'intérieur de ce corps-là. Hein? Et des choses de ce genre. C'est comme ça qu'ils essaient de justifier le shirk qu'ils font. Mais toutes ces notions de tawhid qu'ils ont inventées sont des falsifications, en fait, du tawhid. C'est des déformations du tawhid. Et celui qui veut vraiment connaître la réalité du tawhid, il doit absolument retourner au texte du Coran et de la Sunna et des preuves qui sont révélées dans la révélation, et de les accepter telles quelles et de voir comment les salafs les ont compris et comment ils les ont appliquées, pour savoir que tout ce que ces gens-là ont ramené sont des déformations, des falsifications du tawhid. Donc ça, c'était comme une petite introduction pour comprendre, en fait, le sujet dont on va parler, puis pour comprendre pourquoi c'est important, donc, de savoir, de connaître ce sujet-là. Et le cheikh, il a expliqué, donc, les catégories du tawhid de façon résumée pour commencer. Il a dit, la première catégorie de tawhid, c'est tawhid al-rububiyya. Tawhid al-rububiyya, on le traduit souvent par l'unicité d'Allah dans sa souveraineté ou dans sa seigneurie. Et en réalité, c'est le fait d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur, le Maître de toutes choses. Et que c'est lui qui a tout créé, et que c'est lui qui donne à chaque chose sa subsistance, et que c'est lui le seul qui fait vivre et qui fait mourir, qui peut nous profiter ou nous nuire, et que c'est lui seul qui, a la capacité d'exaucer nos invocations lorsqu'on l'appelle dans les moments de détresse, et que toute décision revient à lui seul, c'est à lui qu'appartient toute chose et toute affaire et toute décision, et c'est lui qui a le pouvoir sur tout, et qu'il n'a pas de partenaire dans quoi que ce soit de ces choses-là, et il n'a pas d'associé dans quoi que ce soit de ce qu'on vient d'énumérer et de ce qu'on vient de mentionner. Et parmi les choses qui ont un lien direct avec cet aspect-là, c'est la foi en Al-Qadar. C'est la foi en Al-Qadar, puisque un des aspects du Qadar, c'est de croire en la volonté absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'y a rien qui peut se produire dans l'univers qui soit en contradiction avec sa volonté. Hein? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Hein? Et que tout entre dans sa volonté. Donc c'est un lien, comme on dit, avec le Ar-Rububiyya, et relié directement avec le Tawhid par Ar-Rububiyya. Et c'est pour ça que dans le Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, vous trouvez un chapitre qui s'intitule qu'est-ce qui a été rapporté au sujet du Qadar, parce que c'est relié au Tawhid. La deuxième catégorie de tawhid qui est mentionnée ici, c'est tawhid al-asma wa sifat. L'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs d'Allah. Et le cheikh, il dit que c'est d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala a la science de toutes choses, qu'il a le pouvoir sur toutes choses, qu'il est al-hayy al-qayyum, le vivant, celui qui se suffit à lui-même. Et les ulama, quand ils expliquent Al-Qayyum, souvent ils disent que c'est celui qui se suffit à lui-même, hein, qui n'a besoin de rien, et que toute chose a besoin de lui. Lui n'a besoin de rien, et tout a besoin de lui. Ça, c'est Al-Qayyum. Donc le vivant est Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Et nul sommeil, ni somnolence, ni fatigue ne peut l'atteindre. C'est lui qui a, yani, parmi ses caractéristiques, parmi ses attributs, il a la volonté absolue qui est exécutée. C'est-à-dire tout ce qu'il décide et tout ce qu'il veut, c'est ce qui se produit. Et il est le sage, donc une de ses attributs, c'est qu'il a la sagesse parfaite, qu'il est l'audient et le voyant, qu'il est l'indulgent et le miséricordieux, qu'il est au-dessus de son trône, qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, alal arshistawa, et qu'il s'est établi sur son, au-dessus de son royaume, c'est lui qui a le pouvoir sur son royaume, qu'il est le roi, hein, celui qui est pur, celui qui est la source de toute sécurité, de toute paix, et qui est exempt de toute imperfection, celui qui est la source de la sécurité et de la paix, et de, qui est exempt de toute imperfection, de tout défaut, qui a le pouvoir sur toute chose, qui est le contraignant, celui qui est, comment on dit, al-mutakabbir, yani, disons que c'est lui qui il a cet attribut-là d'être orgueilleux, celui qui est le jaloux et l'orgueilleux, hein, du fait qu'il a les attributs de perfection et qu'il est au-dessus de tout. Et c'est lui, donc ça c'est parmi les noms qu'il s'est mentionné dans le Coran. Al-Malik al-Quddus, al-Salam, al-Mu'min al-Muhaymin, al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabbir. Et qu'il soit purifié et exalté de ce que les idolâtres lui ont donné comme partenaire ou associé. Ainsi que tous les autres noms et attributs qu'il a et les caractéristiques de perfection. Donc on doit croire en tout ce qui a été mentionné en, de ses noms et de ses attributs, sans faire de falsification, sans déformer le sens de ces attributs-là. Et on doit croire en tout ce qu'il a mentionné comme noms et attributs pour lui-même, sans essayer de les nier, directement ou indirectement, c'est-à-dire nier les attributs elles-mêmes ou nier leur signification, sans faire de taqif, c'est-à-dire demander comment sont les attributs d'Allah, essayer de l'imaginer, hein, et sans essayer de faire de ressemblance, at-tamthil. Donc, ça c'est les quatre éléments qu'on doit respecter lorsqu'on parle des noms et des attributs d'Allah. Pas de déformer les attributs et les noms, falsifier leur signification et leur sens. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle tahrif, ou de déformer les mots eux-mêmes. Donc on ne doit pas entrer dans cet aspect-là, contrairement à ce que font les gens de bid'ah. On ne doit pas non plus rentrer dans at-ta'til, ceux qui nient les attributs d'Allah. On ne va pas rentrer dans at-takif, c'est-à-dire ceux qui cherchent à comprendre le comment, connaître le comment et à décrire comment Allah subhanahu wa ta'ala, comment sont ses attributs et ses noms et ainsi de suite, ou faire at-tamthil, c'est-à-dire faire des comparaisons entre Allah et sa création et faire ressembler Allah à sa création ou faire ressembler la création à Allah. La troisième catégorie de tawhid, c'est tawhid al-uluhiyya, ou bien des fois on dit aussi al-ilahiyya. Et on peut aussi dire al-ibada. On peut aussi dire tawhid al-uluhiyya ou al-ilahiyya, ou bien on peut dire tawhid al-ibada, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et ça, c'est établi, bien entendu, sur le fait de purifier, de rendre pure et sincère notre adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça implique, ou ça comprend, le fait de faire en sorte que notre amour, notre crainte, notre espoir, notre confiance, notre désir, notre amour, notre crainte, notre peur, tout ça, notre invocation, soit uniquement pour Allah. Donc si on veut résumer, si on veut dire de façon plus concise, c'est que tout ce qu'on fait comme adoration doit être uniquement et purement et sincèrement et uniquement et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Que ce soit de façon apparente ou cachée, ça doit être, tout ce qu'on fait, ça doit être uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul, et ça ne, on ne doit rien lui associer dans l'adoration. Et on ne doit pas donner de cette adoration-là quoi que ce soit à quiconque. Hein? Aucune de ces formes d'adoration-là doit être donnée ou offerte à quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe ce que cette personne ou cette chose-là est ou représente. Donc, ça veut dire que l'adoration, elle doit être uniquement pour Allah et non pas à quelqu'un d'autre. Que ce soit un ange rapproché d'Allah. Donc, même si cet ange-là, il est très proche d'Allah, que c'est un ange très important parmi les anges, on n'a pas le droit de lui offrir une invocation quelconque ou une adoration quelconque. De même que si c'est un prophète rapproché d'Allah, même si c'est le plus grand de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit de lui offrir quoi que ce soit de l'adoration. Et si on ne peut pas l'offrir à un ange rapproché ou à un prophète, parmi les prophètes d'Allah, eh bien on ne peut pas l'offrir à quiconque d'autre qui pourrait être moindre que ceux-là. Parce qu'il n'y a personne qui est plus près d'Allah que les anges et que les prophètes. Donc si on n'a pas le droit d'associer Allah en partageant l'adoration avec ses prophètes et avec ses anges, donc il n'y a personne d'autre qui peut venir prétendre qu'il a le droit d'obtenir ou de recevoir une forme quelconque de ces adorations-là. Hein, puisque toutes les autres personnes qui peuvent venir en dehors, comme les hommes pieux et ainsi de suite, tous ceux-là sont en dessous des anges et des prophètes. Et cette catégorie de tawhid, qui est le tawhid dans l'adoration, c'est ce qui est compris dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit dans surat al-Fatiha « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend comment l'invoquer, comment l'adorer, et il nous montre parmi les exemples de dua de dire que c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous cherchons l'aide. Hein? On demande l'aide que à toi et on adore que toi. C'est ce que ça signifie. Iyaka na'budu. C'est-à-dire c'est toi seul que nous adorons. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'adorer autre que lui. Et iyaka nasta'in. C'est toi seul à qui nous demandons l'aide. Et ça c'est qu'est-ce qui est le plus important dans la religion? C'est la priorité dans la religion. Et c'est également qu'est-ce qui vient. Donc, on peut dire que c'est le début et la fin de la religion. C'est qu'est-ce qui doit être appliqué de façon apparente ou cachée. Et c'est la chose par laquelle tous les messagers d'Allah débutent leur da'wah. Et c'est ce par quoi aussi ils terminent leur da'wah. C'est-à-dire que toute leur mission du début à la fin, c'est pour établir le tawhid. Hein? Et bien entendu, le fait qu'ils débutent par le tawhid, ça montre en même temps aussi l'importance de ce que ça représente et de ce que c'est. Hein? Et également, le tawhid dans l'adoration, c'est la signification du témoignage de la ilaha illallah. C'est la signification du témoignage de la ilaha illallah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Parce que la signification de la ilaha illallah, quand on le traduit en français, c'est quoi? C'est que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'est la signification du tawhid dans l'adoration. Parce que dans le témoignage de la ilaha illallah, quand on le regarde, le mot « ilah » en arabe, il signifie « al-ma'boud ». Il signifie « al-ma'boud », c'est-à-dire « celui qui est adoré ». Donc, les ulama, ils disent souvent « al-ilah », ça signifie « al-ma'louf », qui signifie « al-ma'boud », celui qui est adoré. Qui est adoré par l'amour, qui est adoré par la crainte, qui est adoré par le fait de l'exalter, de le respecter et de lui offrir toutes les formes d'adoration. Et c'est pour ce tawhid-là en particulier que tout a été créé. C'est pour le tawhid dans l'adoration que Allah a tout créé. Comme il le mentionne dans le Coran, il dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Et en réalité, quand Abdullah ibn Abbas il a lu ce verset-là, il a dit « لِيَعْبُدُونَ » ça signifie « لِيَوَحِدُونَ » c'est-à-dire pour qu'ils établissent le tawhid dans l'adoration. Hein? Donc chaque fois que vous voyez dans le Coran le mot « ibadah » le terme de l'adoration, ça implique le tawhid de l'adoration, le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Ensuite, également, c'est, donc tout a été créé pour cette catégorie de tawhid, et c'est pour cette catégorie de tawhid que Allah a envoyé tous les messagers, et c'est pour cette et pour ce tawhid-là également qu'il a envoyé tous les livres. Hein? Et c'est par ce tawhid-là que les gens ont été divisés en croyants et en mécréants, en heureux parmi les gens du paradis et en malheureux parmi les gens de l'enfer. C'est cette catégorie de tawhid-là qui tranche entre les hommes et qui fait qu'il y en a des croyants et des mécréants. Et ceux qui seront en enfer éternellement seront en enfer éternellement parce qu'ils ont renié cet aspect du tawhid. Et ceux qui seront au paradis seront au paradis éternel parce qu'ils ont établi et cru et appliqué ce tawhid. Maintenant, le cheikh explique qu'il y a, pour chacune de ces catégories-là du tawhid, il y a quelque chose qui s'y oppose. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Donc il y a, pour chacune de ces catégories du tawhid, quelque chose qui vient s'opposer à cette catégorie-là. Donc, si tu as su que le tawhid dans la seigneurie, ou le tawhid dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'établir ou d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui seul qui est le créateur, celui qui donne la subsistance, le seul qui fait vivre et qui fait mourir, le seul qui gère et qui contrôle tout dans ce qui se passe dans l'univers, et qui contrôle toutes ses créatures et qui n'a aucun partenaire dans son royaume. Alors le contraire de ça, le contraire de ce tawhid là, c'est quoi? C'est de croire qu'il y a quelqu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala qui aurait une part dans cette catégorie-là du tawhid. Ou bien de croire que quelqu'un avec Allah pourrait créer ou pourrait contrôler quelque chose dans l'univers ou pourrait donner la subsistance ou pourrait faire vivre et faire mourir ou pourrait nuire ou profiter ou ainsi de suite. Si quelqu'un croit qu'il y a quelqu'un avec Allah qui fait ça, même si c'est de contrôler un seul atome dans l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou même une goutte d'eau ou une graine de sable dans le désert, il a commis le shirk dans Ar-Rububiyyah. Parce que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire ça et qui a contrôle sur tout. Hein? Il n'y a personne d'autre que Allah qui a le contrôle sur ces choses-là. Il n'y a même pas quelqu'un qui aurait créé en dehors d'Allah l'aile d'une mouche, ou un atome, ou une graine de sable. Hein? Et celui qui prétendrait, ou qui dirait, oui, il y a un être humain, ou il y a quelqu'un qui a créé et qui contrôle en dehors d'Allah un atome ou une graine de sable dans l'univers, il serait un mouchrik dans Ar-Rububiyyah. Hein? Et donc, imaginez ceux parmi les mouchrikines aujourd'hui dans différentes religions et même dans certaines sectes déviées de l'islam qui prétendent qu'il y a des hommes en dehors d'Allah qui ont un contrôle sur la création en dehors d'Allah. Tous ces gens-là sont des mouchrikoun et des koufars. Hein? Et une fois que tu as su également, donc ça c'est pour la première catégorie. Maintenant, la deuxième catégorie, si tu as su que Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu as cru, tu as compris le tawhid dans les noms et dans les attributs, et qu'on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par les noms qu'il s'est donné lui-même, et qu'il s'est donné à lui-même, et le décrire par ce par quoi il s'est décrit lui-même et par ce par quoi son messager l'a décrit sallallahu alayhi wa sallam, et que tu dois également nier toute ressemblance entre Allah et sa création. Hein? Et que tu dois également purifier Allah subhanahu wa ta'ala et nier toute imperfection que Allah subhanahu wa ta'ala se serait nié, hein, par rapport à sa personne. Ou que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait nié pour lui-même. C'est-à-dire qu'il a nié, qu'il aurait nié à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois nier ce qui a été nié. Hein, et affirmer ce qui a été affirmé. Et le contraire de ça, le contraire de cet aspect du tawhid, c'est quoi? Premièrement, c'est de nier ce que Allah a affirmé. Donc quiconque nierait un des noms ou une des attributs que Allah s'est donné à lui-même parmi ses attributs de perfection et de majesté et de grandeur qui sont affirmés dans le Coran ou dans la Sunna, eh bien il a opposé et contredit le tawhid dans Al-Asma wa Sifat. Hein? Toute personne qui a nié, hein, ou qu'il ait nié directement ou indirectement un des attributs d'Allah ou un de ses noms, un des attributs d'Allah ou un de ses noms qui est mentionné et affirmé dans le Coran et mentionné et affirmé authentiquement dans la Sunna, donc cette personne-là, elle a opposé et contredit le tawhid dans les noms et dans les attributs. Et on peut faire rentrer dans ceux-là les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiya, parce qu'ils nient tous, indirectement ou indirectement, des noms et des attributs d'Allah. Et la deuxième catégorie de contradiction par rapport à cet aspect du Tawhid, c'est quelqu'un qui fait des ressemblances dans les attributs d'Allah entre celle d'Allah et celle de sa création. Il fait des ressemblances, hein, et des comparaisons entre les attributs du Créateur et les attributs de la créature. Il donne au Créateur des attributs de la créature et des caractéristiques de faiblesse et d'imperfection de la créature, ou il donne à la créature des attributs de perfection et qui appartiennent des attributs de la perfection et des attributs divine, des attributs d'Allah. Il les donne à une créature. Comme quelqu'un qui dirait par exemple que un être humain peut connaître le raïb, par exemple, ou peut pardonner les péchés, ou des choses de ce genre. Hein? Donc ça, ça fait partie de, il y en a du shirk dans Al-Asma wa Sifat. Il fait des comparaisons et il compare Allah avec sa création. Ou bien si quelqu'un dit par exemple, les attributs d'Allah sont comme les attributs de la créature. Hein? Ça aussi c'est une forme de shirk dans Al-Asma wa Sifat. Les preuves de cette catégorie-là, ou de ces exemples-là, c'est qu'est-ce que le shirk mentionne comme exemple ici dans le Coran. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Le verset 11 dans Surat Shura. C'est-à-dire, il n'y a rien comme lui, il n'y a rien qui lui ressemble. Et il est l'audient et le voyant. Donc, on nie toute ressemblance entre le Créateur et la créature, sans toutefois nier l'attribut et les noms. Hein? On affirme qu'il est voyant, qu'il est audient, c'est-à-dire, il voit et il entend, et il a l'attribut de l'ouïe et de la vue. Mais on ne va pas en même temps faire de ressemblance. Hein, on affirme qu'il est le voyant et l'audient, qu'il voit, qu'il a la vue et qu'il a l'ouïe, mais on va nier toute ressemblance entre l'ouïe et la vue du Créateur et l'ouïe et la vue de la créature. Ça, c'est la voie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. L'affirmation sans faire de ressemblance. Hein? Et il mentionne un autre verset aussi. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. C'est-à-dire, il sait ce qu'il y a devant eux, ce qu'il y a derrière eux, et ils ne peuvent pas le cerner par leur science. Donc c'est pour dire que les créatures ne peuvent pas envelopper Allah subhanahu wa ta'ala de leur science. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une science. Et les êtres humains, ils ont une science. Mais la science d'Allah n'est pas comparable à la science des créatures. Puisque la science des créatures, c'est une science qui est précédée par l'ignorance. Tandis que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une science qui est éternelle. Hein? Et il y a beaucoup d'autres, hein, bien entendu, beaucoup d'autres différences entre la perfection et l'imperfection, entre la perfection d'Allah et l'imperfection des créatures. Et en ce qui concerne la dernière catégorie de tawhid, c'est-à-dire si tu as su que tawhid dans l'adoration, c'est le fait de rendre toutes nos formes d'adoration exclusivement pour Allah seul, eh bien, et de nier toute adoration qui serait offerte à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, le contraire de ça, c'est d'offrir à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration. Et ça, c'est ce qu'on retrouve le plus chez les mouchriquins. Et c'est au sujet de cette catégorie, hein, que le conflit était établi entre les mouchriquins et les messagers d'Allah. C'est en particulier sur ce point-là, sur Tawhid dans l'adoration, qu'il y a eu les conflits entre les messagers et leur peuple. Puisque, comme on va le voir, la majorité des mouchriquins, ils croyaient en l'existence de Dieu. Hein? Et que ce Dieu, ils croyaient que ce Dieu-là était un Dieu unique. Et donc, c'est pour ça que le Cheikh, il dit dans le point suivant, « Tawhid al-Rububiyya wahdahu la yakfi » L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans al-Rububiyya, c'est-à-dire tu affirmes que Allah c'est le maître, le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui fait vivre, le seul qui fait mourir, le seul qui peut nuire, le seul qui peut profiter, et ainsi de suite. Tu affirmes ça seulement, c'est pas suffisant pour être un musulman. C'est pas suffisant pour être un muwahhid, pour être sur le tawhid. Pour être sur le tawhid, en plus de ça, il faut faire en sorte que ton culte soit uniquement pour Allah seul, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah par les hommes, sur la terre, tu le rejettes. Hein? C'est-à-dire tout ce qui est adoré par les êtres humains, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'est-ce que ça peut être, même si c'est un prophète, un homme pieux, une tombe, une étoile, le soleil, la lune, yani les anges, les djinns, les saints, yani les arbres, les arbres, les pierres, peu importe qu'est-ce que c'est. Si tu adores quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu as commis le shirk. Et donc, c'est pas suffisant juste de croire que Dieu, c'est le seul créateur, le seul maître. Et la preuve de ça, le shaykh, il dit, c'est que même les idolâtres, les mushrikoun, ceux qui ont fait le shirk, qui adoraient les idoles à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils affirmaient l'unicité d'Allah dans la souveraineté et dans la seigneurie. Ils croyaient que Dieu c'était le seul créateur et le seul maître. Hein? Et il y a des preuves de ça dans le Coran, dans plusieurs versets, où Allah subhanahu wa ta'ala demande ou ordonne à son messager de poser la question aux mushrikin à ces sujets-là. Et par exemple, et c'est bon de vous souvenir de ces versets-là parce que c'est un des arguments les plus forts et les plus puissants pour établir la preuve contre les gens qui appellent au shirk parmi ceux qui se prétendent musulmans aujourd'hui et qui adorent les tombes et qui prétendent qu'ils ont le droit d'adorer les soi-disant awliya et les saints. Ça, c'est un des arguments les plus forts et les plus puissants que personne ne peut nier ou rejeter parce que c'est des versets qui sont muhkam, qui sont clairs et explicites, et qui ne peuvent être interprétés ou compris d'autre façon que d'une seule façon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça dit ces versets? L'exemple qui est mentionné ici, c'est قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. C'est le verset 31 dans sourate Yunus. Le verset 31 dans sourate Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Hein? Pour montrer que les mushrikoun, ils croyaient en cette catégorie de tawhid, Allah il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis ô Muhammad, ô mushrikoun, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre? C'est qui vous donne votre risque, hein, dans les cieux et sur la terre? Ou qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort? Et qui fait sortir le mort du vivant? Et qui gère toute chose? Ils vont dire, c'est Allah. C'est-à-dire les idolâtres de la Mecque qui adorent plus que 365 idoles autour de la Kaaba et qui adorent Al-Lat, Al-Uzza, Manat, Hubal et toutes les autres idoles. Ils répondent quoi à cette question? Ils répondent Allah. Ils disent, celui qui contrôle tout, qui gère tout, qui a tout créé, c'est Allah. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, alors dis-leur, afala tattaqoun, n'allez-vous pas le craindre dans ce cas-là? Donc vous reconnaissez tout ça, vous croyez en tawhid ar-rububiyya, donc n'allez-vous pas le craindre, n'allez-vous pas le craindre en établissant et en appliquant le tawhid al-ibadah et en adorant Allah seul? Comment vous pouvez établir, croire en ar-rububiyya puis ne pas appliquer le tawhid en respectant tawhid dans l'adoration et en faisant en sorte que votre adoration soit seulement pour Allah, hein, et en abandonnant l'adoration de ce que vous adorez en dehors d'Allah, hein? C'est comme pour les faire réfléchir, pour les faire réagir, pour les provoquer, pour leur montrer leurs contradictions, pour les faire réfléchir, pour qu'ils reviennent. En réalité, c'est un argument rationnel que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de leur montrer. Pour dire que vous reconnaissez ça, vous croyez que c'est Allah le seul maître, que c'est lui qui donne le risque, que c'est lui qui contrôle tout. Alors comment vous pouvez par la suite vous détourner et continuer à adorer d'autres que lui? Un autre exemple aussi de ce genre de verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah » le verset 87 dans sourate Az-Zukhruf. Et si tu leur demandes qui les a créés eux, ils diront Allah. Donc ils reconnaissent que leur créateur c'est Allah, hein? Et un autre verset, wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fa ahya bihi al-ard min ba'di mawtiha la yaqulun Allah. Hein? Ça c'est le verset 63 dans sourate Al-Ankabut. Et si tu leur demandes qui a fait descendre du ciel une pluie, hein, par laquelle il a fait revivre la terre après qu'elle soit morte, ils vont dire Allah. Ils vont dire c'est Allah qui a fait ça, hein? Et il mentionne un autre verset, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ وَيَجْعَلُ كُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Qui répond à celui qui est en détresse lorsqu'il invoque et qui le délivre du mal et qui fait de vous des successeurs qui se succèdent les uns les autres sur la terre? Est-ce qu'il y a une autre divinité avec Allah? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Allah qui mérite d'être adoré? Qalilan ma tadhakkarun, hein, comme vous vous souvenez peu. Le verset 62 dans sourate An-Naml. Et des versets comme ça, il y en a plein dans le Coran. Et c'est rempli de ce genre de versets-là. Donc, le cheikh, il dit ensuite, donc, il reconnaissait Allah subhanahu wa ta'ala. Il reconnaissait que il avait ar-rububiyya, qu'il est le maître de toutes choses, qu'il est le seigneur de toutes choses, que c'est lui qui a le royaume et qui détient le royaume et qui a le contrôle et la force sur toutes choses. Et malgré le fait qu'il reconnaisse ça, Allah ne les a pas considérés comme étant des croyants. Il ne les a pas considérés comme étant des gens qui croient au tawhid. Il ne les a pas considérés comme étant des gens qui ont établi et cru en l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait du shirk dans al-ibadah, dans le tawhid al-ibadah. Ils ont contredit dans le tawhid al-ibadah, qui est la signification de la ilaha illallah. La signification de la ilaha illallah, c'est que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et encore aujourd'hui, il y a plein de musulmans, quand ils traduisent cette parole, qui est la base de l'islam, ils la traduisent incorrectement. Et ils vont dire, par exemple, comme traduction, « il n'est de Dieu que Dieu », hein, ou des choses de ce genre. Et ça ne signifie rien en réalité. « Il n'est de Dieu que Dieu », ça ne veut rien dire en réalité. Puisque ce n'est pas la signification de la ilaha illallah. Al-ilah, c'est quoi? C'est celui qui est adoré, al-ma'boud. Donc, les ulama, même en arabe, quand ils l'expliquent, ils disent la ma'bouda bihaqqin illallah. C'est-à-dire, il n'y a rien qui mérite d'être adoré. Bihaqq, c'est ça ce que ça signifie, bihaqq illallah. Parce que si tu dis la ilaha illallah et tu le traduis comme ça, tel quel, tu dis, par exemple, tu vas dire, il n'y a de rien n'est adoré que Allah. La ma'boud illallah. C'est si tu le traduis tel quel, comme ça. Hein? Mais dans la langue arabe, il y a qu'est-ce qu'on appelle al-taqdir et al-hadf. Hein? Il y a des choses dans la langue arabe, quand on l'écrit ou quand on le dit, il y a des choses qui sont sous-entendues, qui ne sont pas prononcées, qui ne sont pas dites, mais qui sont là. Hein? Et c'est ce qu'on appelle al-taqdir. Et il y a des choses qui sont enlevées, c'est-à-dire qu'on ne le dit pas, on ne le prononce pas, mais ils sont là. Hein? C'est pour ça qu'on dit qu'il est mahzouf. Il y a des choses qui sont mahzouf, qui sont enlevées, mais qui sont là quand même. On ne les prononce pas, mais c'est sous-entendu. Et pour savoir la signification réelle d'une phrase, c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'est-ce qui a été enlevé et c'est quoi leur position dans la phrase en question. Et donc, quand les ulama ont essayé de comprendre la signification de la ilaha illallah, ils ont regardé les différents sens qui peuvent être tirés de cette parole-là. Et quand tu dis, si tu dirais par exemple, rien n'est adoré, excepté Allah, est-ce que c'est vrai ça? Non. Parce que quand tu regardes les hommes sur la terre, ils adorent plein de choses en dehors d'Allah. Ils adorent Allah, ils adorent plein d'autres choses autres que Allah. Donc cette phrase, si tu la dirais comme ça, elle est incorrecte. Hein? Et c'est pour ça qu'on dit, il y a plein de choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Mais est-ce que toutes ces choses-là qui sont adorées en dehors d'Allah méritent d'être adorées? Hein? Non. Pourquoi elles ne méritent pas d'être adorées? Elles n'ont pas créé. Et quoi encore? Elle n'est pas parfaite. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, premièrement, toute chose en dehors d'Allah, elle ne peut pas créer. Elle n'est pas parfaite. Ça a été inventé. Donc, c'est des choses qui sont imparfaites, des choses qui ne sont pas, qui ne possèdent pas les attributs et les caractéristiques de perfection. Et donc, ces choses-là ne méritent pas d'être adorées. Et tu peux prendre, par exemple, n'importe quelle chose que tu vois des gens sur la terre adorer en dehors d'Allah. Et tu peux poser la question à propos de ces choses-là. Est-ce qu'elles sont créées? Oui ou non? Est-ce qu'elles se suffisent à elles-mêmes? Oui ou non? Est-ce qu'elles ont besoin de quelque chose? Oui ou non? Si c'est un être humain, tout de suite tu peux savoir que ça ne peut pas être adoré, ça ne mérite pas d'être adoré. L'être humain, il mange. S'il ne mange pas, il meurt. Il a besoin d'aller aux toilettes. Donc tout de suite, tu sais que la personne qui adore un être humain ou un animal, il adore quelque chose qui ne mérite pas d'être adoré. Le seul qui mérite d'être adoré et qui a les noms et les attributs de perfection, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour cette raison-là que la signification de la ilaha illallah, ça veut dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Hein? Et donc, il y a plein d'autres versets comme ça qui mentionne ce point-là. Un des versets qui est aussi clair à ce sujet-là et qui montre également ce point-là, c'est le verset 106 dans Sourate Yusuf. qui établit le tawhid dans l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. C'est-à-dire, et la plupart d'entre eux ne croient pas en Allah, excepté qu'ils sont des mushrikoun. C'est-à-dire, ils croient en Allah. C'est-à-dire, ils croient que Allah existe, que Allah est unique, hein, qu'il est un. Mais ils sont des mushrikoun. Parce que dans l'adoration, ils adorent d'autres que Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils adorent Jésus, ils adorent Marie, ils adorent des vaches, ils adorent des singes, ils adorent des rats, ils adorent la lune, le soleil, hein, ils adorent tout ce que tu peux imaginer sur la terre et dans le ciel, en dehors d'Allah. Donc, ils croient en l'existence d'Allah, qu'il est unique, mais ils font du shirk. Ils adorent les prophètes, ils adorent les anges, ils adorent les djinns. Hein, ils adorent toutes sortes de choses en dehors d'Allah. Donc ce sont des mouchriquins, ce ne sont pas des croyants. Et Abdullah ibn Abbas, il a dit à propos de ce verset-là dans le tafsir, il a dit « Min imanihim idha qila lahum man khalaqa as-samawati wal-ard, man khalaqa as-samaa wa man khalaqa al-ard wa man khalaqa al-jibal, qalu Allah, wa hum mushrikun. » Donc Abdullah ibn Abbas, il a dit, parmi les exemples de leur foi, de leur soi-disant foi, qui est une fausse foi, une fausse croyance, hein, parce que le fait de dire qu'on a la foi, ça ne veut pas dire qu'on a une foi correcte. Hein. Ils croient en Allah, mais leur foi en Allah est fausse. Et parmi les exemples de cette fausse foi qu'ils ont, c'est que lorsqu'on leur demande qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui a créé les montagnes, ils répondent, ils disent Allah. Alors qu'ils sont des mushrikoun, alors qu'ils font le shirk. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ils associent avec Allah dans l'adoration. Donc ce sont des kuffars et des mushrikoun. Et un autre exemple de tafsir de ce verset-là, c'est la parole de Ikrima, hein? Un des tabi'in qui dit, à propos de l'explication du verset 106 dans Surat Yusuf, il dit Tas'aluhum man khalaqahum wa man khalaqa as-samawati wal-ard fayakuluna Allah. فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. C'est-à-dire, Ikrima, il dit, tu leur demandes qui les a créés eux, qui a créé les cieux et la terre, et ils te disent Allah. Donc ça c'est le fait que ça c'est leur foi en Allah qu'ils prétendent avoir, puis ils adorent d'autres que lui. Hein? Et Mujahid, un des élèves de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, un des plus grands parmi les ulama des tabi'in dans le tafsir, il disait quoi? Il disait imanuhum billah qawluhum Allahu khaliquna ou Allahu khalaqana wa yarzuquna wa yumituna fa hadha imanun ma'a shirkun ou ma'a shirku ibadatihim ghayra. C'est-à-dire que leur foi en Allah, c'est le fait qu'ils disent Allah nous a créés, nous donne notre subsistance, et c'est lui qui nous fait mourir. Et ça, donc, c'est un aspect de la foi, ça fait partie de la foi. Toutefois, ils ont avec ça du shirk dans leur adoration. Ils adorent d'autres que lui. Et les ulama, ils ont expliqué à ce sujet-là que le shirk dans l'adoration, c'est quelque chose qui vient l'annuler. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui a fait son wudu, puis qu'il a fait quelque chose qui annule son wudu. Est-ce qu'il peut prier? Non. Pourquoi? Parce que son wudu est annulé par la chose qu'il a fait, qui est venue annuler son wudu. Donc, son wudu, il est batil. Donc, l'adoration, si elle est faite, et qu'il y a du shirk dedans, où il y a du shirk avec, dans cette personne-là, eh bien, son adoration va être nulle, va être vaine. Hein? Donc, c'est la même chose. Et donc, leur foi, elle est donc nulle. Parce qu'ils ont, dans leur foi, il y a du shirk. Hein? Ça, c'est très important de le comprendre. Et également, un autre, parmi les tabi'in qui ont expliqué ce verset-là, Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, il dit ليس احد يعبد مع الله غيره الا وهو مؤمن بالله ويعرف ان الله ربه وان الله خالقه ورازقه وهو يشرك به الا ترى كيف قال ابراهيم افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين قد عرف انهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون قال فليس احد يشرك الا وهو مؤمن به الا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك تملكه وما ملك المشركون كانوا يقولون هذا. Donc qu'est-ce qu'il explique ici, le cheikh, il mentionne donc les paroles de cet imam, et il dit donc qu'il n'y a personne qui adore autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, excepté qu'il croit en Allah, et qu'il reconnaît que Allah est son Seigneur, et qu'il est son Créateur, et celui qui lui donne sa subsistance, tandis qu'il fait le shirk avec lui. Il dit, ne vois-tu pas comment Ibrahim alayhi salam a dit, et ça c'est tiré des versets dans Surat Ash-Shu'ara, les versets 75 à 77, il dit à son peuple, ne voyez-vous pas ce que vous adorez, vous ainsi que vos parents, hein, anciens, ou vos anciens parents, vos ancêtres, sachez qu'ils sont tous mon ennemi, ils sont tous pour moi un ennemi. Excepté le Seigneur des mondes. Excepté le Seigneur des mondes. Donc, Ibrahim, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que vous adorez sont tous mon ennemi. Excepté le Seigneur des mondes. Ça veut dire que le peuple d'Ibrahim, ils adoraient des idoles et ils adoraient aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Ibrahim, il se désavoue de tout ce que son peuple adorait, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ça prouve qu'ils adoraient aussi Allah comme le peuple de Quraysh, hein? Comme le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la tribu de Quraysh et les Arabes qui adoraient les idoles et qui adoraient aussi avec ces idoles-là, ils adoraient également Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est ce verset-là, c'est la preuve. Et il y a un autre verset aussi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il cite les paroles d'Ibrahim et qui mentionne, par exemple, où Ibrahim se désavoue de ce que son peuple adorait. Et il dit, c'est un verset dans Surat Az-Zukhruf. Naam, c'est quoi le. نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. C'est-à-dire, lorsque Ibrahim, il a dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé. إنني براء مما تعبدون. Je me désavoue de ce que vous adorez. إلا الذي فطرني. Excepté celui qui m'a créé à partir de rien. C'est-à-dire Allah, excepté d'Allah. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. Parce que c'est lui seul qui va me guider. Donc, ça veut dire que son peuple adorait Allah, puis ils adoraient aussi les idoles. Hein? C'est la preuve que le fait de reconnaître Allah, puis d'adorer Allah, puis de dire que c'est le maître et le créateur, c'est pas suffisant pour être un croyant. Et c'est pas suffisant pour être un musulman. Hein? Il faut non seulement croire en l'existence de Dieu et que Dieu existe, que Allah subhanahu wa ta'ala est unique, mais en plus de ça, il faut faire en sorte que notre adoration soit uniquement pour Allah seul. Donc, qu'est-ce qu'il à la suite de cette parole, hein, de Abdurrahman ibn Aslam, il dit quoi? Il dit donc, ils ont su qu'ils adoraient avec Allah, ils adoraient avec ceux qu'ils adoraient, ils adoraient aussi le Seigneur des mondes, en plus d'adorer Allah, en plus d'adorer les idoles. Ils adoraient le Seigneur des mondes, en plus d'adorer leurs idoles. Et il dit ensuite, donc il n'y a personne qui commet le shirk, excepté qu'il croit en lui. c'est-à-dire qu'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vois-tu pas aussi comment les Arabes, lorsqu'ils faisaient leur hajj, hein, les Arabes avant l'islam, quand ils faisaient le hajj, ils faisaient at-talbiya. Ils disaient eux aussi labbaik Allahumma labbaik, hein, sauf qu'ils rajoutaient quelque chose dans at-talbiya. Ils disaient en plus labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, hein, labbaik la sharika lak illa sharikun huwa lak tamlikuhu wa ma malak. C'est-à-dire yani nous, oh Allah, nous venons vers toi, oh Allah, nous venons vers toi, nous répondons à ton appel. Tu n'as aucun associé, aucun partenaire, excepté un partenaire qui t'appartient, et yani que tout ce qu'il possède t'appartient aussi. C'est-à-dire, tu le possèdes, hein, il est à toi, et tout ce qu'il possède. Il est à toi, lui, et tout ce qu'il possède aussi est à toi. Donc, il reconnaissait l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout lui appartient. Et il lui associait quand même des choses, hein, dans l'adoration. Et c'était ça leur talbiya. C'est la talbiya des mushrikoun. C'est la preuve qu'ils croyaient en Allah. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les mushrikoun à l'époque, ils ne croyaient pas en Allah. Ils pensent qu'ils niaient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'était ça leur kufr. Hein, et qu'ils croyaient, certains même vont même à penser que les idolâtres de Quraysh pensaient que les idoles qu'ils adoraient, c'était elle qui avait créé les cieux et la terre. Et il y en a qui pensent ça aujourd'hui encore. C'est-à-dire, ils pensent que les chrétiens ou les idolâtres comme les hindous et les bouddhistes, quand ils se prosternent devant des statues ou des idoles, ils pensent que ces gens-là croient que ces statues-là, c'est elles qui ont créé les cieux et la terre. Et il n'y a pas un hindou, un bouddhiste ou un autre, un mushrik parmi les mushrikines qui croit ou qui pense que la statue qu'il est en train d'adorer, c'est elle qui a créé les cieux et la terre. Et même les mushrikounes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, ils savaient très bien que ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, c'était pas ces choses-là qui avaient créé les cieux et la terre. Puisque c'est eux-mêmes qui l'ont fabriqué avec leurs mains. Hein. Et même que ils avaient l'habitude même de prendre des dattes et de faire un idole avec, ou un petit bonhomme avec, et puis ils l'adoraient. Et quand ils avaient faim, ils le mangeaient. Hein? Donc c'est la preuve qu'ils savaient très bien que ce n'est pas ça qui a créé les cieux et la terre. Et donc que leur shirk, ce n'est pas dans Ar-Rububiyya. Leur shirk, c'est dans Al-Ibad, c'est dans l'adoration. Hein? Et le shirk, il mentionne donc, après avoir mentionné cet exemple-là, il dit « قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رضي الله عنهما أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. Donc il rapporte le verset, il mentionne le verset qui est le verset 22 dans sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, bon, il énumère plein d'exemples de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, hein. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. Non, c'est pas ce verset-là, c'est يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là, il s'adresse à l'humanité, à tous les hommes, et il leur ordonne, hein, de l'adorer, c'est-à-dire de l'unifier dans l'adoration. Et il mentionne plein d'exemples de qu'est-ce qu'il a créé et qu'est-ce qu'il a fait comme grâce pour les hommes. Puis après ça, il dit, alors ne lui donnez pas des égaux, alors que vous savez. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, radiyallahu anhuma, il dit, c'est-à-dire, alors que vous savez, c'est-à-dire, n'associez pas avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration autre que lui, ne lui donnez pas des égaux dans l'adoration qui ne peuvent ni vous nuire ni vous profiter, alors que vous savez qu'il n'y a pas que vous n'avez pas d'autre seigneur que lui, et que vous n'avez personne qui vous donne la subsistance autre que lui, et que vous savez que la chose à laquelle le messager vous appelle, du tawhid, du fait de l'unifier dans l'adoration, c'est la vérité au sujet de laquelle il n'y a aucun doute. Hein? Donc ça c'est ramené du tafsir de l'imam Ibn Jarir al-Tabari. Et il mentionne aussi un autre tafsir à propos de ce verset qui est tiré de la parole de Qatada. Il dit « Ay ta'lamuna anna Allah khalaqakum wa khalaqa as-samawati wal-ard thumma taj'aluna lahu andada » C'est-à-dire « Wa antum ta'lamun » alors que vous savez, ne lui donnez pas des égaux alors que vous savez, c'est-à-dire que vous savez quoi? Alors que vous savez quoi? Et bien Qatada il dit, c'est-à-dire que vous savez que Allah c'est lui qui vous a créé et qui a créé les cieux et la terre. Puis par la suite, malgré que vous ayez cette connaissance-là, vous lui donnez des égaux dans l'adoration. C'est une contradiction de votre part d'agir de cette manière-là. Cessez de vous contredire. Hein? Et comme plusieurs ulama l'ont expliqué, par exemple, quand ils mentionnent ces exemples-là, ils disent, et aujourd'hui, tu trouves des gens qui disent « La ilaha illallah » et pourtant, ils prient autre que Allah. Ils vont prier des tombes et des awliyas, des saints, ils vont à leur tombeau faire des sacrifices, égorger des animaux pour demander des faveurs, ils vont demander la guérison quand ils sont malades, à des tombes et à des saints et à des morts, hein, et à des prophètes, et à des compagnons du prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça c'est des exemples de shirk. Et il n'y a pas de différence entre ce que ces gens-là font avec ces tombes-là et avec les morts. Il n'y a pas de différence entre ça et avec ce que les idolâtres de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les mouchriquins de Quraysh et des Arabes, faisaient avec leurs idoles. Puisque c'était dans le même objectif et dans le même but, hein, de chercher l'intercession, de chercher au moins de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, en passant par ces hommes pieux-là et ces saints. Et c'est de cette façon-là que le shirk est apparu dans le monde, à l'époque de Adam, ou après l'époque de Adam, alayhi salam. Hein, c'est pour ça que dans surat Nuh, tu vois, pardon, à l'époque de Nuh, c'est pas à l'époque de Adam, c'est à l'époque de Nuh, alayhi salam. Et c'est pour ça dans surat Nuh, tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la parole des mushrikoun quand ils ont dit wala tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghoutha wa ya'uq wa nasra. C'est les noms des saints hommes pieux parmi le peuple de Nuh, et quand ils sont morts après que les gens ont oublié la science après plusieurs générations, ils ont commencé à les adorer. Hein? Alors qu'à l'origine, à la base, après leur mort, quand ils ont fait leurs images, leurs représentations, à la base, c'était pas pour les adorer, hein? C'était soi-disant pour s'encourager à se rappeler de leurs bonnes actions, pour être capable de les imiter dans le bien. Puis après des générations, les gens ont oublié ça et ils ont pensé que c'était dans le but de les adorer, et ils ont commencé à les adorer et à les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah pour obtenir ce qu'ils voulaient. Hein, sous prétexte soi-disant que eux ils sont plus proches d'Allah que nous, et donc si on veut quelque chose, eh bien on risque plus d'être exaucé si on leur demande à eux que si on passe à Dieu directement et si on demande à Allah directement. Et ça c'est une analogie et une comparaison qu'ils ont faite qui est totalement fausse, hein, puisqu'il n'y a pas de comparaison entre, hein, les façons dont les hommes intercèdent les uns pour les autres dans cette dunya et entre qu'est-ce qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il est le tout puissant, l'omniscient, celui qui connaît chacun de nous et qui entend et qui exauce celui qui lui demande. Il n'a pas besoin qu'on passe par quelqu'un pour lui demander quoi que ce soit, puisqu'il n'y a personne qui nous connaît mieux que lui, tandis que les rois ou les maîtres ou les présidents sur terre, ils ne nous connaissent pas. Et donc si on passe par quelqu'un pour que cette personne-là nous présente au président ou au roi, c'est normal, puisque le roi, le président, il ne nous connaît pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît mieux que quiconque. Et il n'a pas besoin de quelqu'un pour nous présenter à lui. ou pour nous présenter, pour lui présenter nos prières ou des choses de ce genre. Et Allah nous a ordonné dans son livre de l'invoquer lui directement. Et il n'a jamais dit, si vous voulez m'invoquer, passez par quelqu'un. Et moi je vais vous répondre. Il a dit, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Il a dit, invoquez-moi et je vais vous répondre. Il n'a pas dit, invoquez quelqu'un, puis lui il va m'invoquer, puis je vais vous répondre après. Il n'a pas dit ça. Hein? Et donc, quand on regarde les exemples de ce que faisaient les gens de Quraysh, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. C'est-à-dire, hein, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Dis, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander aux mushrikoun, est-ce que vous allez dire à Allah ce qu'il ne connaît pas, ni dans les cieux, ni sur la terre, qu'il soit purifié de ce dont il lui associe. C'est-à-dire qu'il soit purifié du shirk qu'ils font. Il les a appelés des mushrikoun parce qu'ils faisaient ça. Et ceux aujourd'hui qui vont au tombeau, qui vont voir les awliya ou les sayyids, les asyad, hein, ou qui vont voir l'alla fulan, je ne sais pas comment ils les appellent, si c'est une femme, ils l'appellent une sainte, hein, sayyida fulan, ou l'alla, comme dans le Maghreb, ils appellent l'alla. L'alla, quelque, je ne sais pas comment ils l'appellent. Hein, ou bien si c'est dans d'autres pays, ils lui donnent un autre nom. Hein? Et si c'est un homme, donc c'est ça, ils vont aller à sa tombe, ils lui demandent, ils lui font des sacrifices, ils font le tawaf autour de la tombe, et ainsi de suite. Tout ça, c'est exactement comme ce que faisaient les idolâtres à l'époque, hein, de Quraysh à l'époque, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu combattre. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement l'exemple des paroles des mushrikoun, comment ils essayaient de justifier le shirk qu'ils faisaient. Hein? Ils disent par exemple, ils disaient, « Man a'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. » On les adore que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Hein? Parce qu'ils sont, eux, ils sont pieux, ils sont des salihin, hein? Donc ils sont plus proches d'Allah que nous. Hein? Donc, on va les prendre comme des intermédiaires dans notre adoration pour nous rapprocher d'Allah. Eh bien, ça, c'est le shirk en lui-même. C'est ça, le shirk. Hein? Et Allah, subhanahu wa ta'ala, les a appelés mushrikoun. Hein? Il les a traités de mushrikoun. Hein? Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de chose qui peut être acceptée dans ce que ces gens-là faisaient comme shirk. Tout ça, c'est des exemples de ce qui a été mentionné par rapport à ça dans, il y a plein d'autres versets aussi à ce sujet-là dans le Coran. Et donc c'est pour ça que vous allez trouver par exemple des gens dans les pays musulmans aujourd'hui qui n'ont pas compris la signification de la ilaha illallah, qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'est la réalité du tawhid, et qui pratiquent le shirk et qui vivent dans le shirk. Et il y a des fois des gens qui aiment ramener des questions à ce sujet-là. Et ça, c'est un malheur parfois de la part de certains jeunes qui commencent à étudier l'islam et qui s'intéressent à la science de l'islam et qui veulent apprendre la religion, mais qui cherchent toujours à apprendre la religion, pas pour la comprendre et pour l'appliquer, mais pour pouvoir rentrer dans des polémiques ou dans des débats, puis commencer à essayer d'argumenter avec les gens sur des questions de la religion. Et ça, c'est pas correct. Hein? Et donc il y en a qui commencent à ramener des questions par rapport à la situation de ceux qui sont en train de pratiquer des exemples de shirk ou qui pratiquent, qui adorent les tombes ou des saints dans les pays musulmans. Et là ils commencent à poser la question, est-ce que ces gens-là sont des mushrikoun ou non? Hein? Et est-ce qu'on doit les déclarer mushrikoun ou non? Et qu'est-ce qu'on doit faire si jamais on dit que c'est des mushrikoun? Hein, si on dit que c'est des mushrikoun parce qu'ils font le shirk, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On va aller voir ces gens-là, puis on se met devant leur visage, puis on leur dit, vous êtes des mushrikoun? Et puis, on passe notre temps à leur dire ça? Non. Le but, c'est quoi? Une fois qu'on a compris que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, c'est du shirk. C'est quoi notre devoir si on a la connaissance et si on a la compréhension du tawhid et de la religion? C'est quoi notre responsabilité et c'est quoi notre devoir par la suite? Hein? Non, c'est de faire da'wah. C'est de les appeler au tawhid et de leur montrer le danger du shirk et de faire en sorte que ces gens-là abandonnent les pratiques qu'ils sont en train de faire et reviennent à la réalité de la signification de l'islam. Hein? Parce que beaucoup d'entre ces gens-là, ils n'ont jamais appris, ils n'ont jamais étudié, on ne leur a jamais enseigné. C'est vrai que parmi ces gens-là, il y en a qui ont la connaissance de l'islam. Certains parmi les gens qui font le shirk et qui pratiquent le shirk aujourd'hui, dans les pays musulmans, ils ont étudié le Coran, ils ont étudié l'arabe, ils ont étudié le tafsir, ils ont étudié le fiqh, ils ont étudié le hadith. Et tu les vois parfois, c'est des docteurs de sciences islamiques, soi-disant, qui viennent des grandes universités de certains pays musulmans. Et ils n'ont rien compris dans qu'est-ce qui a rapport avec tawhid. C'est pour ça qu'il y a des ulama parfois, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disent, il y a des enfants dans les pays musulmans qui ont étudié al-usul al-salasa et al-qawa'id al-arba'a, ils connaissent mieux le tawhid que certains doctorats, certains docteurs dans certaines universités islamiques. Si tu leur demandes où est Allah, ils ne vont pas te répondre mieux que la réponse de la femme qui était esclave à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a répondu « Fistama ». Elle a su répondre, alors que c'était une simple bergère, une jeune fille esclave. Tandis que tu demandes cette même question à des docteurs aujourd'hui, ils ne savent pas te répondre correctement. Hein? Donc, des gens comme ça, c'est clair que c'est des gens qui ont connu la preuve, connu les arguments et qui débattent dans ces questions-là sur le batil et que ce sont des ennemis du tawhid et qui veulent combattre la da'wa des prophètes. Ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a aussi des gens parmi les musulmans qui vivent dans des villages ou dans des villes. Il y en a qui peuvent à peine comprendre l'arabe classique. Qu'est-ce qu'ils lisent dans le Coran et dans les hadiths, ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ont besoin de quelqu'un pour leur traduire dans leur dialecte ou dans leur langue. Hein? Dans plusieurs pays, des pays musulmans, en Asie, en Afrique, hein, et ailleurs. Ces gens-là, si ceux qui leur ont enseigné l'islam sont des gens de bid'a ou des gens d'égarement qui pratiquent le shirk ou qui justifient le shirk, eh bien, ils vont leur dire que c'est ça la signification de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Ils vont les dévier et les égarer. Donc, notre responsabilité à nous, c'est d'enseigner. Une fois qu'on a appris correctement l'islam, le tawhid, la aqida, c'est d'aller voir ces gens-là, puis de les enseigner dans leur langue, pour qu'ils puissent comprendre la réalité de l'islam et du tawhid, et pour qu'ils puissent revenir à la réalité de la religion de l'islam. Et c'est la da'wa des prophètes, c'est la chose par laquelle tous les messagers d'Allah ont débuté leur da'wa. C'est un grand travail, c'est une grande responsabilité. Bien entendu, on n'a pas le temps de terminer cette risala, parce que même si elle est courte, mais elle est lourde en signification. Hein? Et pour rentrer dans chaque point et clarifier les choses en détail, ça prendrait beaucoup de temps. Mais probablement que dans l'avenir, Inch'Allah, on aura d'autres occasions de compléter l'explication et l'étude de cette risala, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici pour maintenant. Puis on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce qu'on a lu jusqu'à maintenant ce soit bénéfique pour nous, hein, que ce soit écrit dans la balance de nos œuvres au jour de la résurrection, hein, et que ce soit fait uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il l'accepte. Et qu'il nous réunisse tous ensemble dans son paradis, dans son firdaus. Amin. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ça m'a fait plaisir de venir vous visiter dans la ville de Charleroi. C'était la première fois que je venais dans cette ville et je suis très heureux de vous avoir connu, de vous avoir rencontré, et on espère que dans l'avenir, bi'idhnillah, on aura beaucoup d'autres occasions encore pour se revoir puis se retrouver. Et salam alaykoum Nawaz, ça va? Alhamdulillah. طيب ان شاء الله. Salam alaykoum wa rahmatullah.